7:04. BBC's Brian Hanrahan. Buenos días, comienzan las comparecencias. Thanks so much for that report. Ailleurs dans le monde, bonsoir Michael Thébault. Bonsoir Nicolas. Pour commencer Michael, direction le Sénégal à la rencontre de ceux qu'on appelle les enfants fantômes. Oui, fantômes ou invisibles, hein, deux mots pour désigner une même réalité. Ces enfants sans état civil, c'est-à-dire n'ayant pas été déclarés à la naissance. Et les derniers chiffres de l'UNICEF sont impressionnants. Près de 230 millions d'enfants de moins de 5 ans vivent aujourd'hui dans le monde sans aucune existence légale. L'Asie du Sud-Est et l'Afrique subsaharienne sont les zones les plus touchées. Et l'Afrique de l'Ouest aussi, notamment le Sénégal. Bonsoir Amélie Tulé, en direct de Dakar. Bonsoir Michael. Alors là encore, hein, les chiffres donnent le vertige. On compte au moins 538 000 enfants fantômes aujourd'hui au Sénégal, soit un petit Sénégalais sur quatre qui n'est pas enregistré à l'état civil. Et pour bien comprendre le phénomène, vous êtes allé à Pikine, Amélie, dans la banlieue de Dakar. Oui, nous sommes dans un quartier pauvre de Pikine. Dans cette maison vivent quatre familles. Radi Diallo a trois enfants. Pour ses jumeaux, elle a fait les démarches auprès de l'état civil, mais pas pour son dernier fils. Celui-là n'a pas de papier. Quand il est venu au monde, j'étais malade, épuisée. Et le papa était trop occupé par son travail. Et puis il n'y connaît rien. Il m'a dit, c'est à toi de le faire. Dans la pièce à côté, Awa Thiam passe de la crème sur le corps de sa petite dernière avant de l'habiller. Ses deux filles sont enregistrées, mais pas ses deux premiers garçons. Elle les a eus jeunes, elle venait à peine d'arriver en ville. Deux naissances dans la même année, c'était trop, elle était dépassée. J'ai été souffrante après les deux accouchements et j'ai laissé à chaque fois passer le délai pour les papiers. Mon mari travaillait et je n'avais vraiment personne pour m'aider. Aujourd'hui, pour l'école, c'est un vrai problème. Un problème pour l'inscription, évidemment. Alors souvent, l'école publique accepte les enfants du CP au CM2, même sans papier. Mais après, sans acte de naissance, tout s'arrête. Car pour passer l'examen d'entrée au collège, une pièce d'état civil est obligatoire. Et d'où bien sûr aussi un risque de déscolarisation. Mais comment faire, Amélie, et le peut-on pour tenter de rattraper la situation? Alors si la première année de l'enfant est passée, les parents peuvent aller au tribunal pour un jugement d'inscription à l'état civil. Une démarche que peut entreprendre l'enfant lui-même, une fois majeur. C'est ce qu'est en train de faire Maguette Dio, il a 26 ans. Ne pas avoir d'acte de naissance me pose beaucoup de problèmes. Par exemple, une fois j'ai travaillé comme journalier au port de Dakar pour une société qui faisait du thon. Et je n'ai pas pu avoir de contrat. Voilà, sans état civil, pas de contrat légal, pas de droit de vote, pas de passeport, bref, des difficultés tout au long de la vie. Même votre mort ne peut pas être déclarée. Et pour les politiques publiques, ça veut dire qu'au niveau municipal comme national, il manque des données essentielles pour planifier sur les questions de santé ou d'éducation. Les problèmes en cascade, hein, on comprend bien. Mais comment expliquer qu'il y ait encore tant d'enfants sans acte de naissance en 2016 au Sénégal? Alors il y a un manque d'informations, une méconnaissance des procédures, une distance aussi vis-à-vis de l'administration. Si vous regardez, Michael, une carte du Sénégal dans les zones reculées du sud et du centre du pays, moins d'un enfant sur deux est inscrit sur les registres d'état civil. Laetitia Bazzi est responsable du programme Protection de l'enfance à l'UNICEF. Les populations sont éloignées des centres d'état civil, mais on a aussi également un problème de qualité, je dirais, de services d'état civil. Vous avez des ruptures de stock, de registres ou d'extraits de naissance, ce qui fait qu'on va peut-être facturer le coût de la reproduction, de la photocopie d'un extrait. Vous avez aussi l'exigence, et ça je pense que c'est une contrainte majeure, c'est qu'on demande aux parents de produire des pièces d'identité pour pouvoir déclarer leur enfant à l'état civil. Alors qu'effectivement, dans d'autres pays, deux témoins justement se pallient à l'absence de pièces d'identité des parents. Et ça, c'est un facteur d'exclusion assez fort. Le Sénégal a lancé un programme de modernisation de l'état civil. En attendant, des audiences foraines permettent régulièrement de régulariser des milliers d'enfants d'un coup. Autre stratégie de l'État et des ONG, coupler les campagnes de vaccination avec l'enregistrement des enfants non inscrits. Amélie Tulé, en direct de Dakar. Merci beaucoup.